Bonjour, vous êtes bien au Consulat général de France à Madrid. Toutes les informations utiles sont disponibles sur le site internet du Consulat de France à Madrid. www.ambafrance-es.org dans la rubrique Formalités. Si vous désirez des renseignements par téléphone sur les passeports, les cartes nationales d'identité ou les formalités d'inscription au registre des Français résidant hors de France, tapez 1. Les visas, tapez 2. L'état civil, le PACS ou la nationalité, tapez 3. Les affaires sociales, les bourses, les affaires militaires ou les élections, tapez 4. Accueil téléphonique du service des visas du lundi au jeudi entre 15h et 16h30. Informations disponibles sur internet www.consulfrance-madrid.org à la rubrique Visa. Votre interlocuteur ne peut pas vous répondre actuellement. Merci de renouveler votre appel ultérieurement. Bienvenue à l'Institut français. Pour des informations sur les cours, tapez 1. Pour des informations sur les examens, tapez 2. Pour toute autre demande, ne quittez pas, nous allons faire suite à votre appel.